L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut ? Par Eric Simon. Le petit robot de l'Agence spatiale européenne avait ému de nombreux passionnés de l'exploration spatiale et même au-delà lors de son atterrissage historique et mouvementé sur la comète Churyumov-Gerasimenko 67P en novembre 2014. Le contact n'ayant jamais pu être réactivé depuis de nombreux mois, les ingénieurs du Centre spatial allemand viennent de cesser définitivement les tentatives de contact avec Philae. Philae était emportée par la sonde Rosetta, qui est toujours en orbite de la comète, et avait été larguée en direct vers la surface de la comète le 12 novembre 2014. Mais un harpon avait mal fonctionné lors de son atterrissage ou accométissage, et il avait rebondi deux fois avant de se retrouver dans une anfractuosité de la comète, avec peu d'énergie solaire à sa disposition, sa seule source d'énergie. Ses batteries avaient tout de même pu fonctionner près de 60 heures, et le robot a pu produire environ 80% de sa mission initiale en enregistrant des images détaillées de la surface de la comète, ainsi qu'en analysant la composition chimique de gaz et de poussière émanant de la surface du noyau cométaire. Il a notamment permis d'identifier la présence de composés organiques comme du formaldéhyde et d'autres composés azotés et carbonés encore jamais vus sur des comètes. Le plus gros manque, dû à l'inclinaison du robot dans sa dernière position, aura été de pouvoir forer le sol de la comète pour analyser des échantillons. Lorsque ses batteries furent vidées, Churi était encore loin de son point le plus rapproché du Soleil, qui devait avoir lieu le 15 août 2015. La quantité de lumière solaire augmentant au fil des mois au printemps 2015, une tentative de réveil de Philae avait été entreprise et réussie, le robot ayant communiqué quelques signaux avec Rosetta en juin 2015. Et puis ce fut très vite le silence. Un silence absolu qui n'a pourtant pas découragé les ingénieurs de l'ESA d'essayer encore et encore d'envoyer des commandes vers Philae et écouter d'éventuelles réponses. Mais en vain. Aujourd'hui, la comète s'éloignant à grands pas du Soleil, avec une température à la surface de Churi de l'ordre de moins 180 degrés, de quoi endommager certains composants du robot, et les panneaux solaires de Philae étant de plus probablement couverts de poussière, les ingénieurs estiment la probabilité d'établir le contact quasi nulle, et qu'il est préférable d'arrêter l'acharnement. Philae rejoint donc le cimetière des sondes spatiales en laissant une trace humaine sur un objet improbable. Les données enregistrées par Philae durant ses 60 premières heures à la surface de Churyumov-Gerasimenko devraient alimenter encore pour quelques années les chercheurs qui tentent de comprendre cette comète dans ses moindres détails, ainsi que les comètes en général et l'histoire du système solaire. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast sur podcloud.fr ainsi que sur iTunes. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut !